mélancolie. L'attente, vision étrange d'un paradis à l'envers. Où demeurent tous nos instants de volupté? Le temps poursuit sa danse acrobatique. Les injustices se succèdent. Où séviront les brûlures de la vie abîmée à découvert? Je me jette à la mer. Évocation collante, indélébile, de routes qui se séparent. Où apparaissent les fractures et les blessures, le chagrin, la solitude ont leurs habitudes. Vestiges de nos voyages, du plus beau de nos combats. Où s'envoler pour saisir nos envies, que le reflet Dieu.